Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 1er, consubstantialité des personnes divines. Chapitre 7. Comment le Fils est-il inférieur au Père et à lui-même? Ces divers textes de nos divines écritures et plusieurs autres ont fourni, comme je l'ai dit, à tous ceux qui ont déjà traité ce sujet, d'abondantes preuves pour réfuter les erreurs et les calomnies des hérétiques, et pour rétablir notre croyance en Dieu, un en nature et triple en personne. Mais lorsqu'il s'agit de l'incarnation du Verbe de Dieu, incarnation, par laquelle Jésus-Christ s'est fait homme afin d'opérer l'œuvre de notre rédemption, et de se porter comme médiateur entre Dieu et l'homme, les écrivains sacrés, il faut le reconnaître, tantôt insinuent que le Père est plus grand que le Fils, et tantôt même le disent ouvertement. De là l'erreur de ceux qui, par défaut d'une étude sérieuse des Écritures, ne saisissent qu'imparfaitement l'ensemble de leur doctrine, et attribuent ce qu'elles disent de Jésus-Christ comme homme, à Jésus-Christ comme Dieu. Or, qui ne sait qu'en tant que Dieu il était avant l'incarnation, de même qu'il sera éternellement? C'est ainsi que certains hérétiques soutiennent que le Fils est inférieur au Père, parce que lui-même a dit. Le Père est plus grand que moi, Jean 14, 25. Mais ce raisonnement nous conduit à dire que Jésus-Christ est au-dessous du Fils de Dieu, car n'est-il pas en effet descendu jusqu'à cet abaissement, puisqu'il s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'esclave? Toutefois, en prenant la forme d'esclave, il n'a point perdu la nature de Dieu, et il est demeuré égal à son Père. Ainsi, en prenant la forme d'esclave, il est resté Dieu, et il est toujours le Fils unique de Dieu, soit que nous le considérions sous cette forme d'esclave, soit en sa nature de Dieu. Sous ce dernier rapport, Jésus-Christ est égal à son Père, et sous le premier il est médiateur entre Dieu et les hommes. Mais alors, qui ne comprend que comme Dieu il soit plus grand que comme Dieu homme, et que même ayant pris la forme d'esclave, il soit inférieur à lui-même? C'est pourquoi la Sainte Écriture dit avec raison, et que le Fils est égal au Père, et que le Père est plus grand que le Fils. Or, ces deux propositions sont vraies, si l'on entend la première de Jésus-Christ en tant que Dieu, et la seconde de Jésus-Christ en tant qu'homme. Au reste, l'apôtre exprime dans son épître aux Philippiens cette distinction, et nous la donne comme la solution vraie et facile de toutes les difficultés de ce genre. Et en effet, quoi de plus formel que ce passage, Jésus-Christ ayant la nature de Dieu, n'a point cru que ce fût pour lui une usurpation de s'égaler à Dieu, et cependant il s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'esclave, en se rendant semblable aux hommes, et se faisant reconnaître pour homme par tout ce qui apparut de lui. Philippiens 2, 6, 7. Ainsi le Fils de Dieu, égal au Père par sa nature divine, lui est inférieur par sa nature humaine. En prenant la forme d'esclave, il s'est mis au-dessous du Père, mais il est resté son égal comme Dieu, car il était Dieu avant que de se faire homme Dieu. Comme Dieu, il est ce Verbe dont saint Jean a dit que « toutes choses avaient été faites par lui » Jean 1, 3, et comme homme, il a été formé d'une femme, et assujetti à la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Galates 4, 5. Comme Dieu, il a concouru à la création de l'homme, et il a été fait homme lorsqu'il a pris la forme d'esclave. Et en effet, si le Père seul eût créé l'homme, l'Écriture ne rapporterait pas ces paroles. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1, 26. Ainsi, parce qu'étant Dieu, le Verbe a pris la forme d'esclave, il est tout ensemble Dieu et homme. Il est Dieu parce qu'il conserve la nature divine, et il est homme parce qu'il a pris la nature humaine. Mais en Jésus-Christ, ces deux natures n'ont subi aucune altération ni aucun changement. La divinité ne s'est point abîmée en l'humanité, de telle sorte qu'elle eût cessé d'être la divinité, et l'humanité n'a point été absorbée par la divinité, de telle sorte qu'elle eût cessé d'être l'humanité. Chapitre 8, passage de l'Écriture relatif à l'infériorité du Fils. Il est vrai que l'apôtre dit dans sa première épître aux Corinthiens, que, lorsque toutes choses auront été assujetties au Fils, alors le Fils sera lui-même assujetti à celui qui lui aura assujetti toutes choses. 1 Corinthiens 15, 28. Mais ces paroles signifient seulement, qu'alors même l'humanité que le Fils de Dieu a prise en se faisant homme, ne sera point absorbée par la divinité, ou, pour parler plus exactement, par l'être divin. Car cet être n'est point créature, et il n'est autre que la Trinité, une en nature, incorporelle et immuable, et dont les personnes sont entre elles consubstantielles et coéternelles. Voulez-vous-même, avec quelques-uns, interpréter ces paroles? Et le Fils sera lui-même assujetti à celui qui lui aura assujetti toutes choses. Dans le sens que cet assujettissement s'opérera par le changement et la transformation de la nature humaine en la nature et l'essence divine, en sorte que l'homme disparaîtra en Jésus-Christ et qu'il ne restera plus que le Dieu. Du moins, vous ne pouvez pas ne point accepter ce fait irrécusable, à savoir que cette transformation n'avait point eu lieu quand Jésus-Christ disait « Mon Père est plus grand que moi », car il a prononcé cette parole bien avant son ascension, et même avant sa mort et sa résurrection. D'autres au contraire croient qu'un jour cette transformation de la nature humaine en la nature divine aura lieu, et ils expliquent ces mots. Alors le Fils sera lui-même assujetti à celui qui lui aura assujetti toutes choses. Comme si l'apôtre disait qu'au jour du jugement général, et après qu'il aura remis son royaume entre les mains de son Père, le Verbe de Dieu lui-même et la nature humaine qu'il a prise, seront perdus et abîmés en l'essence de Dieu le Père, qui a soumis toutes choses à son Fils. Mais ici encore, et même dans cette seconde hypothèse, le Fils est inférieur au Père, en tant qu'il a pris dans le sein d'une vierge la forme d'esclave. Enfin se présente un troisième ordre d'adversaires. Ils affirment qu'en Jésus-Christ l'humanité a été dès le principe absorbée par la divinité, et toutefois ils ne peuvent nier que l'homme subsistait encore dans le Christ, lorsqu'il disait avant sa passion, « Le Père est plus grand que moi ». Il est donc véritablement impossible de ne pas interpréter cette parole dans ce sens que le Fils de Dieu, égal à son Père comme Dieu, lui est inférieur comme homme. Il est vrai que l'apôtre en disant que tout est assujetti au Fils, excepte manifestement celui qui lui a assujetti toutes choses. Mais ce serait une erreur d'en conclure que le Père seul doit agir en cette circonstance, et que le Fils n'a point concouru à s'assujettir toutes choses. Au reste, saint Paul explique lui-même sa pensée dans ce passage de l'Épître aux Philippiens. Nous vivons déjà dans le ciel, et c'est de là aussi que nous attendons le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui changera notre corps misérable en le rendant conforme à son corps glorieux par cette vertu efficace qui peut lui assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20. 21. Le Père et le Fils agissent donc inséparablement. Toutefois, ce n'est pas le Père qui s'assujettit toutes choses, mais c'est le Fils qui lui soumet toutes choses, qui lui remet son royaume, et qui anéantit tout empire, toute domination et toute puissance. C'est en effet au Fils seul que se rapportent ces paroles de l'apôtre, lorsqu'il aura remis son royaume à Dieu son Père, et qu'il aura anéanti tout empire, toute domination et toute puissance. Corinthiens 15, 24. Le Fils soumet donc toute chose à son Père dès là qu'il anéantit tout empire et toute puissance. Cependant, il ne faut pas croire que le Fils saute à lui-même son royaume parce qu'il le remet à son Père. Car quelques-uns l'ont poussé jusqu'à ce point l'aberration du langage. Il n'en est rien, et en remettant le royaume à Dieu le Père, Jésus-Christ n'abdique point sa royauté, puisqu'il est avec le Père un seul et même Dieu. Mais ce qui trompe ici ces esprits qui n'étudient que légèrement nos saintes Écritures, et qui se passionnent pour de vaines disputes, est la conjonction jusqu'à ce que l'apôtre dit en effet, « Il faut que le Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Ibidem 15, 25. Et de là nos adversaires concluent qu'alors il ne régnera plus. Ils ne comprennent donc point qu'on doit attacher ici au mot, « jusqu'à ce que », le même sens que dans ce verset du psaume 111e. Son cœur est affermi, et il ne se troublera point jusqu'à ce qu'il voie la ruine de ses ennemis. Psaume 111, 8. C'est-à-dire qu'il ne sera plus sujet au trouble ni à la crainte, parce qu'il aura vu la ruine de ses ennemis. Et quoi, encore cette parole, lorsque le Christ aura remis le royaume à Dieu le Père, signifie-t-elle que jusqu'à ce moment Dieu le Père n'aura point régné? Non sans doute, mais Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, qui s'est fait médiateur entre Dieu et les hommes, et qui règne aujourd'hui par la foi sur les justes, les introduira alors dans cette vision intuitive, que l'apôtre appelle, une vision face à face. 1 Corinthiens 13, 12. C'est pourquoi cette parole, lorsque le Christ aura remis le royaume à Dieu le Père, doit être entendu dans ce sens. Lorsque le Christ aura conduit les vrais croyants à la vision claire et parfaite de Dieu le Père. Il a dit en effet lui-même, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. » Et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. Matthieu 11, 27. C'est donc alors que le Fils révélera pleinement le Père aux yeux des élus, parce qu'il détruira tout empire, toute domination et toute puissance. Mais il opérera lui-même cette destruction, et il n'y emploiera point le secours des esprits célestes, les trônes, les vertus et les principautés. Aussi peut-on appliquer au juste sur la terre ce passage du Cantique des Cantiques où l'époux dit à l'épouse « Je te donnerai un miroir d'or entrelacé d'argent, tandis que le roi repose sur sa couche. » Cantique 1, 11. Or, ce roi est le Christ dont la vie est cachée en Dieu, selon cette parole de l'apôtre. Votre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ, qui est votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 4. Mais en attendant cet heureux jour, nous ne voyons Dieu que comme dans un miroir et sous des images obscures, mais alors nous le verrons face à face. Corinthiens 13, 12. C'est cette vision intuitive qui nous est montrée comme le but de toutes nos actions et la perfection de notre bonheur. Car nous sommes les enfants de Dieu, mais ce que nous serons un jour ne paraît pas encore. Nous savons seulement que, quand il viendra dans sa gloire, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Exode 3, 14. Le Seigneur disait autrefois à Moïse, son serviteur, « Je suis celui qui y est, et vous direz aux enfants d'Israël, celui qui est m'a envoyé vers vous. » Exode 3, 14. Eh bien, la contemplation de cet être suprême est réservée pour l'éternité. Le Sauveur dit en effet, « La vie éternelle, ô mon Père, est de vous connaître, vous le seul Dieu véritable, et Jésus-Christ que vous avez envoyé. » Jean 17, 3. Or ce mystère ne nous sera pleinement révélé, que, lorsque le Seigneur viendra, et qu'il éclairera ce qui est caché dans les ténèbres. 1 Corinthiens 4, 5. Car alors nous dépouillerons, pour ne plus les reprendre, les grossières enveloppes de la corruption et de la mortalité, et nous verrons luire cette aurore céleste dont le psalmiste a dit, « Dès l'aurore je me présenterai devant vous, et je vous contemplerai. » Psaume 5, 5. Je rapporte donc à cette ineffable contemplation ces paroles de l'apôtre, « Lorsque le Fils aura remis son royaume à Dieu le Père, c'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme, et médiateur entre Dieu et les hommes, aura conduit à la vision claire et parfaite de Dieu le Père, les justes en qui il vit aujourd'hui par la foi. Si je me trompe dans cette interprétation, j'en accepte d'avance une plus heureuse. Mais pour le moment je n'en vois pas d'autre. Et, que pourrons-nous chercher encore, quand nous aurons été admis à la contemplation de l'essence divine ? Sur la terre cette jouissance nous est refusée, et toute notre joie est l'espérance d'y parvenir. Or l'espérance qui verrait, ne serait plus de l'espérance, car comment espérer ce qu'on voit déjà ? Nous espérons donc ce que nous ne voyons, pas encore, et nous l'attendons par la patience, tandis que le roi repose sur sa couche. Car alors se vérifiera pour nous cette parole du psalmiste, « La vue de votre visage me remplira de joie. » Romains 8, 24, 25, Cantique 1, 11, Psaume 15, 11. Mais cette joie sera si abondante qu'elle rassasira tous nos désirs, et que nous ne saurions rien demander de plus. Et en effet, nous verrons Dieu le Père, et cela ne nous suffira-t-il pas ? L'apôtre Philippe le comprenait bien quand il disait à Jésus-Christ, « Montrez-nous le Père, et cela nous suffira. » Toutefois il n'en avait pas une intelligence pleine et parfaite, car il eût pu dire également, « Seigneur, montrez-vous à nous, et cela nous suffira. » C'est ce que le Sauveur se proposa de lui faire entendre par cette réponse, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas ? Philippe, celui qui me voit, voit aussi mon Père. » Mais parce que Jésus-Christ voulait qu'avant d'obtenir la vision intuitive du Père, cet apôtre vécut d'une vie de foi, il ajouta, « Ne croyez-vous pas que je suis en mon Père, et que mon Père est en moi ?» Jean 14, 9, 10. Et en effet, pendant que nous habitons dans ce corps, nous marchons hors du Seigneur, car nous n'allons à lui que par la foi, et nous ne le voyons pas encore à découvert. 2 Corinthiens 5, 6, 7. Or la vision intuitive sera la récompense de notre foi, et c'est cette foi qui purifie nos cœurs, selon cette parole du livre des Actes. Le Seigneur purifie les cœurs par la foi, Actes des Apôtres 15, 9. Une autre preuve de cette vérité, et preuve bien convaincante, est la sixième béatitude qui est ainsi conçue. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. D'un autre côté, le psalmiste nous rappelle que cette jouissance de la vision intuitive est réservée pour l'éternité, quand il met ses paroles dans la bouche de Dieu. Je le rassasirai de la longueur du jour, et je lui ferai voir le Sauveur que j'ai promis. Psaume 90, 16. Il est donc indifférent de dire « Montrez-nous le Fils » ou « Montrez-nous le Père », car l'un ne peut être vu sans l'autre, puisqu'ils sont un, selon cette parole de Jésus-Christ. Le Père et moi nous sommes un. Jean 10, 30. C'est à cause de cette inviolable unité que souvent nous nommons le Père seul, ou le Fils seul, comme devant nous remplir de joie par la vue de son visage. Mais ici encore on ne sépare point du Père ni du Fils l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de l'un et de l'autre. Il est, en effet, cet Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Jean 14, 17. Ainsi notre joie sera véritablement pleine et parfaite par la vision intuitive de la Sainte Trinité, à l'image de laquelle nous nous avons été formés. Aussi disons-nous quelquefois que le Saint-Esprit seul suffira à notre béatitude, et cette même manière de parler est vraie, parce que l'Esprit Saint ne peut être séparé du Père ni du Fils. Il en est de même et du Père, parce qu'il est inséparablement uni au Fils et au Saint-Esprit, et du Fils, parce qu'il est inséparablement uni au Père et au Saint-Esprit. C'est ce qu'exprime formellement ce passage de l'Évangile. « Si vous m'aimez, dit Jésus-Christ, gardez mes commandements, et je prierai mon Père, et il vous donnera un autre Consolateur, pour qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, c'est-à-dire ceux qui aiment le monde, car, l'homme animal ne perçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. Jean 14, 15, 17, 1 Corinthiens 2, 14. Peut-être aussi voudrez-vous expliquer cette parole. Je prierai mon Père, et il vous enverra un autre Consolateur, dans ce sens que le Fils seul ne suffit pas à notre bonheur éternel. Eh bien, voici un passage où le dogme contraire est expressément énoncé. Lorsque l'Esprit de vérité, dit Jésus-Christ, sera venu, il vous enseignera toute vérité. Jean 6, 13. Est-ce qu'ici le Fils est séparé de l'Esprit Saint, comme s'il ne pouvait lui-même enseigner toute vérité, et comme si l'Esprit Saint devait suppléer à l'imperfection de son enseignement? Ajoutez donc, si cela vous plaît, que l'Esprit Saint est plus grand que le Fils, quoique plus communément vous disiez qu'il lui est inférieur. Est-ce encore parce que le texte évangélique ne dit pas « Lui seul, ou nul autre que lui ne vous enseignera toute vérité, que, vous nous permettez du moins de croire que le Fils enseigne conjointement avec l'Esprit Saint. » Mais l'apôtre a donc exclu le Fils de la science des choses de Dieu, quand il a dit « Personne ne connaît ce qui est en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » 1 Corinthiens 2, 11. Ainsi ces hommes pervers pourront conclure de ce passage que l'Esprit Saint révèle au Fils lui-même les choses de Dieu, et qu'il l'en instruit comme un supérieur instruit son inférieur. Et cependant le Fils n'accorde à l'Esprit que d'annoncer ce qu'il aura reçu de lui. Parce que je vous ai parlé de la sorte, dit Jésus-Christ à ses apôtres, votre cœur est rempli de tristesse. Mais je vous dis la vérité, il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais point, le Consolateur ne viendra point à vous. Jean 16, 6, 7. Markemdanarchive.org, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.